Bonjour, je m'appelle Anna de Paris 15. Et vous avez dit qu'il y avait, si j'ai bien compris, 14 000 femmes disparues, c'est ça ? Femmes disparues, est-ce qu'ensuite elles ont pu retourner à la vie de tous les jours ou elles sont disparues à jamais ? En fait, il y a, enfin, je sais pas, quand on dit disparu, c'est justement parfois où en fait on ne sait pas trop s'ils étaient détenus, s'ils étaient morts dans la détention, s'ils sont même arrivés en fait à la détention. Quand c'est en fait ces disparitions forcées, on ne sait pas trop en fait ce qui s'est passé avec elles. Parce que par exemple, les détenus, on a quand même des noms. Enfin, normalement, on a quand même... Oui, et par rapport à ça, justement, comme je suppose que parmi ces femmes, il y avait beaucoup de mères, que se passe-t-il des enfants qui restent sans mère, sans parents, puisque généralement torturés, et ceux qu'on fait disparaître à tout jamais ? Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il se passe avec ces enfants-là, qui c'est qui les prend en charge ? C'est peut-être une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, mais voilà, c'est... En général, en fait, les familles, il y a la solidarité en Syrie, en fait, quand il y a la grand-mère ou bien du côté du père. Normalement, du côté du père, les parents du père, ils vont s'occuper des enfants. Normalement, c'est comme ça. Ouais. Oui, et la famille élargie, bien sûr, oui. C'est eux qui prennent en charge. Mais il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de centre. Non, il n'y a pas tout ça. Oui, bonsoir. Bon, je n'ai pas écouté tout au début la conférence. J'avais trois questions. La première, sur la Syrie. La Syrie, nous sommes d'accord, était protectorat français, je ne me trompe pas. Déjà, de nous rappeler en quelle année la Syrie est devenue indépendante et comment s'est passée la venue de la famille, parce que maintenant ça devient une dynastie, la dynastie Assad. Comment les choses se sont passées ? Deuxième question, la Russie a son intérêt là-bas, puisque je crois que c'est la seule base navale qu'elle possède en Méditerranée. Donc, les Russes ne sont pas indifférents à ce qui se passe en Syrie. Et troisième question, c'est aussi la situation des mouvements islamistes dans cette région du monde. Parce que moi, j'appartiens à une génération qui a été en partie échaudée avec ce qui s'est passé en Iran. On avait en effet un dictateur, c'était le Shah d'Iran. Mais quand on a vu ce qui a succédé, on finit par se demander, le dictateur, c'était de la roupie de Sansonnet bientôt. Donc, quelle est l'importance aujourd'hui de ces mouvements islamistes, et est-ce qu'il y a, en supposant même que le régime d'Assad tombe, est-ce que l'on ne risque pas de tomber dans un régime dictatorial, une autre dictature, une théologie, une théocratie, donc voilà. بالعموم هلا وضع الاسلاميين بسوريا او وصول الاسد هو مثل كل الدكتاتوريات اللي وصلت بالنسبه لي انا بشوف انه هي بدعم دولي وخارجي نفس الدكتاتوريات اللي وصلت من حوض الاسد للقذافي لبن علي لمبارك واللي الغرب هو حماهم لكل هدول الاشخاص Pour moi, en fait, le fait qu'il y a plus de groupes islamistes qui prennent le terrain, comme en fait que le fait que le régime a pu reprendre le pouvoir sur la Syrie, ça c'est plutôt en fait soutenu et par des forces extérieures, enfin qu'ils ont intérêt à ça. C'est un peu l'alliance des dictatures et des régimes autoritaires qui peuvent en fait faire passer ce type de truc. بالنسبة لوضع روسيا هو نفس التقسيمات اللي صارت يعني شفنا نفس الشيء صار بليبيا بس كان في تدخل بشكل مباشر بغض النظر عن الموافقة عليه أو لا بس كان في تدخل بشكل مباشر من الغرب بالنسبة لروسيا لسوريا ما صار في هذاك التدخل فهي موضوع توزيع مصالح بالنسبة للدول الكبيرة Bon, pour la Russie, la Russie n'est pas intervenue en Libye. Bon, elle a plus justement d'intérêt, enfin, ou de place en Syrie. Elle était intervenue, mais finalement, en fait, voilà, ça c'est une question de partage d'intérêts. Et moi, juste, j'ajouterais, en fait, moi personnellement, il y a quelque chose de, en fait, on en a marre de parler de l'Iran, la Russie, de machin. Et enfin, c'est pas que c'est pas utile, mais enfin, juste moi personnellement, j'en ai plus intérêt à discuter de la géopolitique. C'est ce qui nous a un peu divisé, fait surgir des trucs de complot qui, je sais pas, vraiment plus d'intérêt. بالنسبة للبديل عن بشار الأسد وهذا اللي انطرح من أول لحظة بالثورة السورية يعني أنا اليوم بشوفه بالنسبة لل هو نفس الطرح اللي عم ينطرح ضد السترات الصفراء إنه إذا راح ماكرون فهو راح يجي اليمين المتطرف ف بالنسبة لي البديل هو نفس الطرح اللي عم ينطرح اليوم بفرنسا إنه إذا راح ماكرون فممكن يجي اليمين المتطرف فلا خلي ماكرون نفس الشيء بالنسبة للبديل عن بشار الأسد إذا 30 مليون سوري ما قادرين نحصل شخص واحد بديل عن نظام الأسد فخلي الشعب كله يموت ما مشكلة. Bon, pour la question de l'alternative de Bachar al-Assad, cette question était posée au début de la révolution syrienne, mais en fait, on peut aussi regarder les choses ici en France et dire, bon, c'est qui l'alternative à Macron ? L'alternative à Macron, c'est le FN ou l'extrême droite. Donc du coup, ben, on garde Macron. Enfin, ça marche. Enfin, voilà, ça... Pour nous, c'était bon, en fait, si on ne trouve pas une alternative à Assad... La question, c'est pas... Bon, c'est sûr que les islamistes vont arriver. En fait, les islamistes, ils ont volé la révolution, ils l'ont détruit. Et en fait, si parmi 30 millions de Syriens, on n'arrive pas à trouver une autre solution, ben, je sais pas quoi faire. Mais enfin, espérons qu'il y a d'autres solutions pour la Syrie et pour la France, qu'il n'y ait pas le fascisme islamique, ni le fascisme de droite. D'indépendance, d'après ce qu'il avait dit, enfin ce que j'ai compris. Et dans les donateurs, finalement, ils arrivent avec leurs idées, leur prosélytisme, en fait, et ne s'occupent pas du tout de ce qui se passe, en fait. Et en fin de compte, ils font plus de mal que de bien. Enfin, je n'ai pas très bien compris. J'aimerais bien approfondir la question. Voilà. المشكلة بالنسبة للدعم الخارجي كان هو عم يكون موجه يعني كل منظمة أو كل داعم هو عم يوجه الدعم باتجاه محدد. فكان يعني في كتير احتياجات أساسية هي ما كانت عم توصل للمجتمع المدني أو المجتمع المحلي بسوريا. الشيء الثاني اللي هو نتيجة تعامل أو بعض المنظمات بدعمها لمناطق على حساب مناطق تانية يعني ما كان في توزيع عادل بالدعم. En fait déjà le Comme vous avez dit, les NGO ou les donateurs, en fait, ils venaient avec leur propre agenda. Et comme on a dit, en fait, on avait des projets dans la tête et on voulait que ces projets se réalisent. Et parfois, qu'ils n'étaient pas forcément, en fait, selon les besoins des communautés ou des conseils locaux. Et après aussi, le jeu de... à quel point on était prêt en fait à changer notre propre dynamique locaux justement pour avoir ce type de financement, ben ça changeait les données sur le terrain et ça créait en fait vraiment des concurrences et des dynamiques presque négatives entre plusieurs conseils locaux, entre plusieurs communautés. Donc mais c'est à partir des vraiment de pays, enfin Qatar etc., jusqu'à aussi des Arabie Saoudite. Mais aussi des NGO. En fait, on n'est pas en train de dire que les NGO c'est de la merde, mais que on a dit que leur aide était très précieuse pendant un certain moment. En fait, pour le fonctionnement de local, parfois, c'était difficile de garder ce qui était prévu, ce qui est voulu en fait par la population. Mais après, on ne dit pas que c'était que la merde. C'était important, vitalement, humanitairement. هلا إضافة للي حكيته رندا لكان في دعم لكتير نقاط يعني مثلا الدفاع المدني هو المنظمات اللي بتدعمه هي منظمات بريطانية وألمانية وفرنسية جزء من الإعلام كان هو محصور بين الإعلام اللي طلع بعد الثورة كان بين فرنسا وبين أمريكا. موضوع المنظمات يعني قطر ولا السعودية دعموا الشيء الأكثر ضمن المنظمات يعني ضمن الجانب المجموعات الإسلامية، بس فعليا المجالس المحلية هي بغالبها كان دعم أوروبي وأمريكي. Et après, il faut dire, ça dépend aussi justement de type d'action. Par exemple, pour tout ce qui est les casques blancs, enfin, c'est ce qu'on me dit. Pour les casques blancs, par exemple, ça, c'était plutôt des financements européens ou britanniques. Pour tout ce qui est médias, pas alternatifs, mais en gros, tout ce qui est autocommunication, ça, c'était aussi plutôt des financements européens. Après, par exemple, quand on parle de l'Arabie saoudite ou du Qatar, ben, ça, c'était déjà plutôt des côtés des armes ou de aide logistique, etc. Et aussi plutôt pour des groupes tendance islamique. Ça fait partie en fait de les gens qui puissent profiter de plus de thunes aussi sont les gens qui pouvaient en fait profiter de plus pas de territoire mais de réalisation plus efficace de ressources etc. Un aspect, bien sûr, il y a beaucoup d'aspects positifs, mais un aspect négatif, déjà 40% de l'aide humanitaire, ça va pour le personnel des gens qui travaillent. Des bureaux qu'on construit, des postes des gens qui travaillent. Il y en a qui prennent, je ne sais pas, 3 000 $ au moins, 5 000 $, donc 6 000 $. Des gens qui travaillent dans ça, en fait. Il y a déjà une partie. Un autre exemple sur l'agriculture en Syrie, on imposait parfois des graines qu'il faut planter. Et par contre, il y a des gens qui savent planter, qui savent tout faire, et il y a des graines locaux. On n'encourage pas ça, on préfère autre chose. Et donc c'est un peu des aspects, oui, malheureusement. Moi, j'aimerais savoir, vous, à titre personnel, en fait, quelles étaient vos conditions de vie avant la révolution ? Comment ça a évolué ? Et finalement, quelles étaient vos conditions de vie dans les derniers mois avant d'arriver en France ? Est-ce que vous avez vraiment senti une différence, le niveau de peur ou de terreur ? Est-ce que vous avez été vous-même poursuivi ? Mais concrètement, c'était quel était le quotidien avant la révolution, le quotidien juste avant de partir ? Et qu'est-ce que vous espériez quand vous avez commencé la révolution ? هلا بالشكل العام بسوريا الوضع المعيشي قبل الثورة أو الناس ما طلعت ثورة هي نتيجة إنه كان في وضع معيشي سيء بس بالوقت نفسه كان في يعني il y a beaucoup de gens qui sont sortis pas parce que ils vivent dans des conditions très difficiles ou bien pauvreté. بالنسبة لي شخصياً يعني أنا كنت طالب جامعة دمشق. Pour moi personnellement, j'étais étudiant à l'université de Damas. كنت مخلص ليسانس جغرافيا ومقدم على الماستر. Je venais de terminer le diplôme en géographie et je voulais continuer en master. وكنت بنفس الوقت بشتغل يعني فعلياً أموري كانت منيحة. En même temps, je travaillais donc j'avais ça va, je vivais bien. بس في شيء انه انا بدات العمل السياسي بسوريا من عمر 14 سنه. Je commençais à ma vie politique à l'âge de 14 ans. كان اول توقيف سياسي لي كان بال14 بعدين بعمر 16. Première arrestation à l'âge de 14, deuxième à l'âge de 16. يعني كانت الحالة الطبيعية بالنسبة لي أو الشيء الطبيعي إنه أنا لازم أكون بهي الثورة يعني هو الحلم اللي أنا عم عايش كرمال سقط هذا النظام الدكتاتوري. Ce qui est normal pour moi donc le rêve normal ou logique c'est de faire la révolution de participer de faire partie de la révolution pour faire chuter le régime. خلال الثورة يعني مرت عدة مراحل قبل ما أجي على فرنسا كانت البداية بدمشق بعدين انتقلت لحلب نتيجة الأوضاع أمنية أنا حلب مدينة ما كنت بعرفها قبل الثورة وما فيها حدا ناس يعني ما في ناس بتعرفني هنيك فكانت هي المكان الأأمن لأني روح عليه بالوقت اللي صار يعني نوعا ما كنت مكشوف بدمشق أو بمدينتي يعني. Ma ville est Damas, mais j'étais obligée de la quitter pour des raisons de sécurité. Et j'ai vécu à Alep, une ville que je ne connaissais pas trop avant, mais j'étais obligée. Halab, يعني كتير كتير مراحل مختلفة. كانت مراحل في مراحل إنه نحاول نلاقي مكان ننام فيه. في مراحل الناس تحتضننا. في مراحل كنا عم نشتغل فيها بين الريف بين المدينة. يعني ما كان في حياة ثابتة أو شيء ثابت بالنسبة إلي بعد الثورة. يعني كانت الحياة متنقلة وفترات تطلع فترات تنزل. Après la révolution, c'était pas du tout une vie stable. Il y avait parfois il y avait les gens qui nous accueillaient pour dormir ou pour rester. Et le travail c'était entre la ville et la campagne, donc c'était pas du tout stable. الشهر الأخير وهذا كان سبب خروجي من سوريا إنه كان يعني كان الخيار الوحيد النهائي إنه أنا يعني بوشي النظام ومن وراي داعش فما كان في خيار تاني غير إني أطلع خارج سوريا. Le dernier mois et mon dernier choix en même temps, c'était en face de moi il y a le régime, derrière moi il y a Daesh, donc il n'y avait pas de solution. Fallait sortir. C'est tout. Moi, concernant moi personnellement, en fait, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé, j'ai parlé un peu de moi-même. J'étais quelqu'un, j'avais tellement peur, et j'ai voulu en fait juste garder l'aspect humain en moi. Je voulais pas m'habituer à la guerre. Je veux pas m'habituer à écouter les bombardements et ça me fait rien. C'est ça ce qui m'a poussé à sortir. Et j'ai vécu au Liban pendant 3 ans. Et après, tout un parcours pour venir ici. Donc, c'est toute une longue histoire. Après, je la raconte. Mais c'était vraiment pour garder cet aspect humain, dans mon cas. Selon vous, comment le pouvoir a réussi à diviser le peuple syrien qui, et enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais qui, j'ai l'impression qu'au début, étaient très unis selon les confessions, chrétiens, alaouites, sunnites, selon les ethnies kurdes, arabes, syriaques. Et selon vous, à quel moment et comment, que ce soit le régime ou des problèmes internes, ont fait que cette unité du début s'est divisée en plein de conflits, on va dire? Je vais essayer de répondre de mon côté, moi, sur cette question. En fait, oui, le régime syrien a beaucoup joué sur la diversité ethnique, surtout confessionnelle. À mon avis personnel, et je suis en train de faire une recherche, je suis au début vraiment de ce côté-là, et le régime, il voulait encercler une partie des Syriens et pas les autres. Les autres, ils s'en foutaient complètement. Qu'ils se jettent à la mer, qu'ils soient dans les prisons. Ben, ils voulaient encercler certaines confessions, surtout malheureusement les alaouites, pour les pousser à la violence. En fait, ils comptaient sur eux pour défendre certains quartiers, certains endroits des villes. Et oui, il a transformé certaines populations en gens, en personnes armées. Donc c'est tout un travail qu'il a fait sur ce côté. D'un autre côté, il y avait des islamistes qui sont libérés des prisons. Il sait le régime déjà qu'ils vont faire des partis, des constitutions, des armées islamiques. Il sait déjà ça et il a l'expérience, pas mal d'expérience dans la région. Donc ça aussi d'un côté. D'un autre côté, tous les gens, toutes les personnes qui peuvent faire un travail civil, purement civil, qui peut un jour remplacer le régime, c'est ça le vrai danger. C'est pas les islamistes, c'est pas Daesh, c'est pas les armées. Le vrai danger, c'est les gens civils, les gens normaux, les gens qui peuvent vraiment faire quelque chose d'alternatif. Et donc encercler une partie. Et même lui, le régime, il a dit, il veut la Syrie utile. Et ce qu'on a entendu au début, en fait, on a parlé de, de la Syrie à l'époque de Hafez al-Assad, il y avait 8 millions presque en Syrie. Et il y a les agents de sécurité ou bien les mukhabarat, ils ont dit cette phrase qu'à l'époque de Hafez al-Assad, il y avait 8 millions. Et si ces 8 millions qui sont avec nous, qui sont de notre côté, c'est suffisant. C'est ça, en fait, la Syrie utile pour les régimes. C'est ça ma réponse de mon côté. Donc. Après, très rapidement, c'était le premier discours que Assad a fait au début de la révolution. En fait, il a commencé de parler de division sectaire, ethnique, etc. Alors que c'était vraiment une prophétie qui s'est réalisée. Et c'était vraiment une campagne médiatique de désinformation assez puissant qui a réussi à un moment donné de monter les gens les uns contre les autres. Moi, je suis pas sûre d'avoir super bien compris au début. J'ai l'impression d'avoir entendu que dans les comités locaux, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des partis politiques qui au départ ont organisé ça. Je pense que j'ai mal compris et du coup je voulais savoir un peu la place des partis politiques ou des organisations politiques dans ces comités là et dans les enjeux d'autonomie et les ressources. Est-ce que les ressources des partis ont pu être mises à contribution, comment et jusqu'à en quelle mesure ça a été une aide ou pas? هلا الأحزاب السياسية بالبداية هي ما عندها موارد. نحن ما عندنا أحزاب سياسية يعني غير بالاسم. En fait, au départ, c'est vrai qu'on dit partis politiques, mais nous, on n'a pas vraiment des partis politiques. D'ailleurs, des partis politiques qui ont des ressources, ça n'existe pas vraiment. Enfin. هن مجموعة أشخاص لساتهم ضمن إيديولوجيات سابقة كانت من الخمسينات و. وبقايا مستمرين يعني ما في اكثر من هيك هي بالنسبه للاحزاب c'est en fait plutôt des groupes des tendances avec des idéologies politiques des années je sais pas 50 60 qu'ils ont continué un peu après mais voilà pas des partis politiques comme on l'entend ici بالنسبه للمجالس المحليه لا هي ما كان إلى دور حتى لو كان في اشخاص هن كانوا موجودين باحزاب بس هن يعني بوجودهم بالمجالس المحليه كان كوجود افراد مو كوجود احزاب pour préciser les partis si on parle des partis politiques ces partis politiques n'ont pas eu un rôle dans les conseils locaux en fait les personnes qui adhéraient justement à des positions de parti et qui ont participé dans les conseils locaux leur participation était à titre personnel et d'ailleurs en fait au début justement avant la constitution des conseils locaux plein de personnes ont refusé en fait, de rester dans les positions que leur parti ou leur groupe ont soutenu. فغالبا المجالس المحلية هي كانت تعتمد على الأشخاص حسب المناطق أشخاص أصحاب كفاءات وبالغالب هنن بيكونوا أهل المنطقة نفسها يعني بس هذا طريقة الاختيار عم تكون يعني. Donc les conseils locaux c'était plutôt constitué des gens avec des compétences ou certaines compétences, certaines connaissances des gens de la région de la localité elle-même. J'ai une question directement après ce qu'on a parlé, qu'on vient de dire sur les partis dans les conseils locaux. Il n'y avait pas de parti dans les conseils locaux, mais il y avait des personnes qui adhéraient à certains points de vue politiques. Et on voulait ce soir aussi parler des parallèles avec les Gilets jaunes. Ça, par exemple, est une parallèle, non ? Qu'on a fait une structure nouveau et là-dedans, ils peuvent se trouver des gens qui adhéraient à des partis, à des syndicats, etc., etc. Et est-ce que vous voyez cette parallèle aussi? Et j'aimerais aussi parler d'autres parallèles que vous voyez entre les Gilets jaunes et les organisations de base de la révolution syrienne. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, du coup, je crois par rapport aux conseils locaux, la structuration, si on prend les assemblées ou les groupes de gilets jaunes aussi, on voit que d'un endroit à un autre, d'une région à une autre, la structuration et les manières de fonctionnement, ça diffère. Et je crois que ça, c'est carrément quelque chose qu'on peut comparer aux conseils locaux en Syrie, parce que certains endroits, c'était vraiment mode démocratie directe, consensus, etc. Parfois, c'était plutôt le chef de ces tribus avec qui on a fait confiance, et donc du coup, on lui a dit on te suit, quoi. Ici, peut-être, c'est pas le chef du tribu, mais il y a d'autres formes, avant-gardisme, prendre de place, prise de place ou de monopolisation de temps parole, Mais en gros, que c'est, oui, en fait, ça dépend même si on essaie de créer une structure nouvelle qui n'est pas liée à des représentations politiques classiques, même là, en fait, les dynamiques vont changer d'endroit à d'autre. Et après, pour moi personnellement, un autre parallèle sera un mouvement populaire, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, comme c'était le cas en Syrie. Et du coup aussi quelque chose qui était spontané, qui n'était pas forcément préparé en avant par une partie, par des syndicats, par des je ne sais pas quoi. Et dans le même sens, quand on pose la question, c'est quoi les revendications des gilets jaunes, justement c'est quoi l'alternative, qu'est-ce qu'ils veulent ? On voit qu'il y a une diversité et de revendications, des manières de voir la future, ou même de ne pas penser à la future, de ne pas avoir déjà des idées de ce qui est l'alternative. En Syrie, je crois que c'était aussi le cas. Et je ne sais pas, beaucoup des gens entre nous ont dit que c'était notre faiblesse, de ne pas avoir un programme, un agenda alternatif qui pouvait faire solution et que tout le monde pouvait faire bloc derrière... cette alternative, le gilet jaune, c'est pas fini, on sait pas qu'est-ce qui va, c'est pas du tout fini, on verra demain déjà. Et aussi par la suite, quel type de, est-ce que c'est vraiment important de faire front total avec un agenda assez clair pour pouvoir continuer la mobilisation, ou est-ce que une diversité de revendications, mais aussi de formes d'organisation peut amener à un chute de régime. Nous, on n'a pas réussi, mais aussi parce que violence, répression, etc. Mais aussi, pardon ? Pas encore. C'est merci de le rappeler, parce qu'en fait, ça fait 2 semaines qu'il y a encore des manifs en Syrie. C'est pas les manifs de milliers de personnes, mais il y a encore des manifs, des tags, des graffitis, et ceci même dans des endroits où le régime a repris le pouvoir. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est comme c'est le 8e anniversaire, c'est la fête dans certaines régions. بس حاب ضيف شيء هلا بسوريا نحن ما كان في عنا بداية الثورة أحزاب أكيد فالوضع مختلف بس في شيء هو متشابه أنا بشوفه مع الجيل جون إنه الشارع بسوريا والشارع اليوم بفرنسا هو سبق الأحزاب اليوم الأحزاب هي اللي عم تحاول تلحق بالحركات سواء بالجيل جون أو ببداية الثورة بسوريا هي حاولت أن تلحق وتدخل بهذا الحراك مو العكس. Il dit que moi, il voit un autre parallèle. En fait, c'est que ce soit en France ou en Syrie, la mobilisation dans la rue de base populaire, en fait, était plutôt en avant. Et c'est plutôt les partis ou les organisations politiques qui ont essayé de suivre ou de rattraper le mouvement de la rue. Il voit ça comme élément très important. Oui, voilà. En fait, je ne vais pas poser de questions, si vous me permettez. Donc, moi, je suis franco-syrienne et j'étais ravie de venir aujourd'hui parce que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, j'étais abasourdie en me disant, mais jusqu'à quel point, je veux dire, il y a des ressemblances. J'ai envie de dire très simplement qu'en Syrie, le régime, il a utilisé plusieurs registres, 3 registres essentiels. La division, le mensonge et la répression. Alors, à des degrés différents. Tout à fait. Mais je peux vous assurer que la première fois que j'ai vu la vidéo où Benalla tabassait un opposant à terre, je me suis dit, mais attends, je suis en France, c'est pas possible. Mais alors, évidemment, chez nous aussi, on les a tabassés, mais on a fait pire, bien sûr. On a fait pire et pire et pire et pire. Et la torture que les Syriens ont subie dans les prisons, ben, on ne la subira jamais en France, heureusement d'ailleurs. C'est horrible ce qui se passe en Syrie. Alors, en fait, ils ont fait des rafles de tous ces jeunes qui manifestaient au début de la révolution en 2011. Beaucoup de jeunes ont disparu. Aujourd'hui, depuis maintenant un an, le régime sort les corps, ou il ne les sort pas du tout. En tout cas, il prévient les familles que vos enfants sont morts. Quand ? Il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais depuis tout ce temps-là, les parents, ils ne savent pas. Et quand, en 2012 ou 2013, ils sortaient les corps des détenus, ils étaient dans des cercueils cloués. Cloués, oui, ou cloutés. Ils n'avaient pas le droit de les ouvrir. Bon. Alors, donc, le régime, il a fait des rafles de tous ces jeunes qui sortaient dans la rue et qui criaient pour la dignité et la liberté. Parce qu'en Syrie, on n'a pas de droit civique. En Syrie, il n'y a pas de politique. On ne peut pas pratiquer la politique en Syrie. Si vous dites quelque chose de contraire, là, vous disparaissez, c'est connu. Dans tous les quartiers, il y a un centre de mukhabarat, c'est-à-dire de renseignement secret, ou on vous emmène et vous disparaissez dans les geôles, ou alors vous subissez des tortures et après vous sortez. Il y a des gens qui sont sortis 15 ans après, 18 ans après, mais beaucoup, beaucoup sont morts dans les prisons. Alors qu'est-ce qu'il a fait le régime là ? Au début de la révolution, il a raflé tous ces jeunes, 2011, et fin 2011, il a dit « Oui, mais moi je vais ouvrir les prisons ». Il a sorti qui des prisons ? Tous les gens d'Al-Qaïda qu'il avait mis en prison, parce que au moment où les États-Unis ont envahi l'Irak, il y a plein de Syriens, entre guillemets djihadistes, qui sont allés combattre là-bas. Et les États-Unis lui ont dit à Bachar al-Assad, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu nous les prends ces gens-là ? Il a dit d'accord, il les a mis en prison. Il les a mis en prison au chaud. Et c'est ces gens-là qu'il a fait sortir et qui ont constitué Daesh et Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda. Et depuis le début de la révolution, le régime, au lieu de faire tout de suite des réformes, parce que les premières manifestations, ils n'ont pas demandé la chute du régime, au lieu de tout de suite faire des réformes, ils ont commencé à dire « c'est des islamistes ». Et il a tout fait pour que ça soit finalement, que la révolution soit prise en otage par ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que tout simplement, l'armée libre syrienne constituée par des Syriens qui ont voulu défendre justement les manifestations et les régions libérées, l'armée libre syrienne constituée par des militaires qui ont pu quitter l'armée avec des armes, ils n'avaient pas de munitions parce que le monde libre les a abandonnés. Et qui a donné des munitions ? L'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït. Mais à condition que quoi ? Que les barbes elles poussent et qu'ils se transforment tous en djihadistes. Il y a ici en France un réfugié syrien qui est d'origine kurde. Il était dans l'armée libre syrienne. Il est athée, il était communiste. Il m'a dit, bah, moi, je me suis transformée en... J'ai fait semblant que j'étais un croyant et un pratiquant très, très fort pour avoir des munitions. Donc, effectivement, la Syrie, enfin, le peuple syrien, il a subi justement toutes les ingérences étrangères, notamment celles de la Russie et de l'Iran avec le Hezbollah, évidemment. Et voilà. Et il faut savoir aussi, parce que si vous vous intéressez un tout petit peu, allez lire, jamais le régime n'a bombardé les bases de Daesh. Jamais. Quand en 2013, la ville de Raqqa, elle était libérée, c'était bien 2013, par l'armée libre syrienne, et Daesh est rentré à Raqqa, l'aviation du régime, elle bombardait les écoles, elle bombardait les maisons des civils, elles bombardaient l'armée libre syrienne, mais jamais les positions de Daesh, jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, alors, justement, je suis désolée. Juste, je veux dire qu'il y a... Alors, la ressemblance avec les gilets jaunes, c'est le mensonge des médias, effectivement, parce que dès le début du mouvement des gilets jaunes, on a tout de suite parlé de l'infiltration par l'extrême droite, etc. Heureusement qu'il y a des journaux qui font un travail correct comme Mediapart où on voit que ce n'est pas du tout ça. Et puis, il y a aussi la répression, parce que je peux vous dire que personnellement, je n'ai pas du tout envie d'être éborgné ou de perdre une main. Bon, la répression, et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc la division, la répression et le mensonge. Voilà. Merci. Je vais partir un peu plus positivement. J'aimerais avoir deux, trois petits trucs sur le Rojava. Je viens de Saint-Nazaire, justement nous on a une maison du coup où on s'organise et on a fait venir quelqu'un qui connaît et qui a été au Rojava pour pouvoir nous expliquer comment c'était, mais du coup j'aurais aimé quelques petites phrases histoire que tout le monde puisse être au courant de votre côté et de votre opinion à vous. Je sais pas à quel point moi personnellement je peux parler de Rojava, mais après il y a quelqu'un peut-être dans la salle qui peut nous aider parce que l'alliance entre révolutionnaires syriens et révolutionnaires kurdes disons au début de la révolution était ça faisait plus sens, c'était plus logique, en fait il y avait une vraie alliance en gros dans plusieurs villes et dans plusieurs comités. À un moment donné, c'était moins le cas. Il y avait beaucoup de conflits, de refus de deux côtés, en fait, de plus se collaborer ou de travailler ensemble. En termes généraux, enfin, je sais pas, il y a les Syriens qui soutiennent la révolution, ils sont divisés en fait par rapport au Rojava. Il y en a des gens qui pensent de Rojava comme une occupation. En gros, c'est des Kurdes qui viennent de la Turquie pour profiter, en fait, qui profitaient de la révolution syrienne pour en fait faire leur propre projet là-bas. Il y a des gens qui voient pas une occupation, mais qui voient quand même le geste de prise de territoire comme une opportunisme, pas forcément très éthique. Après, il y a des gens, il y a des Arabes qui vivent, qui participent, dans la vie civile comme dans la vie politique. Je sais pas. Moi, personnellement, le projet politique, ça m'intéresse énormément. En termes de cadre, ça me parle. En fait, c'est ce qui était un tout petit peu essayé, tenté d'être fait sur des échelles, des petites échelles sans forcément avoir un cadre idéologique déjà préparé, comme c'était le cas chez les Kurdes. Après, moi, j'ai quand même un souci ou un problème par rapport à parfois certaines alliances ou collaborations de certains composants kurdes avec le régime syrien. Après, c'est une question très compliquée. Je sais que d'autres personnes ont des avis très différents que que le mien, mais. هلا واحدة من الشغلات اللي اليوم يعني كحدا سوري بشوفها أنه قدمت لي إياها الثورة هي أنه ممكن أنا أختلف مع رندا اللي نحن قاعدين على نفس الطاولة يعني. Moi, en fait, ce que la révolution syrienne m'a permis, c'est en fait justement d'être d'accord avec certaines personnes qui sont à côté de moi, comme moi, par exemple. Être en désaccord, pardon. Had ma kan mojoud abil thawra. بالنسبة ل روجافا أو شمال شرق سوريا اللي هن شيء واحد الاسم اختار أنت اللي بتحبه. Et par rapport au Rojava ou le nord-est de la Syrie, il y a deux noms, on peut choisir. بالبداية كان الأكراد واللي أنا بميزهم كتير عن البيادة والبكاكة. Moi, j'aimerais parfois faire la distinction de la différence entre des Kurdes et après le PKK et le PYG. هن اللي شاركوا بقوة ببداية الثورة عمودة بكوباني أو عين عرب أو عفرين كانت يعني في نماذج يعني عظيمة بالنسبة للثورة السورية بال 2011 و2012. Justement, certaines personnes kurdes dans plein de villes dans le nord de la Syrie, en fait, étaient des exemples révolutionnaires assez importants pour la mobilisation sur le terrain. وبحلب كان في نموذج هو كتير جميل تنسيقية التأخي الكردي اللي هي كانت بتضم شباب كرد وعرب. أنا كنت من حسن حظ إنه أنا كنت واحد من بين هاي المجموعة. L'exemple que j'aime bien, en fait, c'est le comité de solidarité entre Kurdes et Arabes dans la ville d'Alep, dont heureusement, je suis très contente que je faisais partie. Le مشكلة الحقيقية هي صارت بعد دخول قادة البيكيكي واللي هن شكلوا فيما بعد ما يسمى بالبيادة. اللي هو الفرع السوري من البيكيكي. Pour moi le vrai problème en fait c'est l'arrivée des cadres enfin des cadres ou des chefs enfin kurdes de PKK qui ont construit le enfin qui aidaient à la constitution de PYG. هاي المجموعات هي بالنسبة لي هي مثل باقي المجموعات العسكرية اللي هي مارست ديكتاتورية على الكرد قبل العرب مارست ديكتاتورية على الآشوريين مثل ما مارست ديكتاتورية على العرب مثل ما كان حافظ الأسد ونظامه عم يمارس نفس الديكتاتورية على الكرد وعلى الآشوريين وعلى غير إثنيات. En fait pour moi ces cadres ces groupes pratiquer une forme de dictature sur les Kurdes avant les Syriens, sur d'autres minorités aussi, comme en fait Hafez al-Assad, enfin al-Assad a fait contre toute la population. Après, bien sûr, avec certains nuances, certaines différences. المشكلة هي فعلا وجود هدول القوات ما في مشكلة بالنسبة للسوريين لأنه ما كان في مشكلة بأول 3 سنوات قبل دخول هدول المجموعات ما كان في مشكلة لا بين الكردي ولا بين العربي ولا كان في مشكلة بين العربي ولا الكردي يعني كان في كتائب هي مختلطة بالجيش الحر كانت موجودة فيها الشباب الكرد مع الشباب العرب مع شباب السريان اللي هن فعليا اللي حرروا قسم كبير من المناطق الشرقية يعني هن كانوا موحدين قبل دخول هاي المجموعات. Donc voilà, mon problème, c'est plutôt ces groupes, constitués, cadrés, armés. Et il faut bien dire en fait qu'avant même des brigades, il y en avait des brigades, kurdes, arabes, etc. Pendant les premières années de la révolution. En fait, on oublie souvent, c'est plutôt ces gens-là qui ont réussi à libérer pas mal de territoires, en fait. En fait, je veux dire un petit truc avant de poser ma question, que chaque fois il y a une confiance de la situation syrienne ou de la révolution syrienne, on parle de notre expérience ou l'expérience qu'on était en Syrie avant 2012, 2013, 2014. Et je sais qu'en 2014, il y avait un mouvement de migration de la révolte syrienne qui sont partis à l'accident ici, et aussi de la criminelle de la régime, qui sont partis aussi à l'accident. Alors, aujourd'hui, c'est le anniversaire de la révolution de la 8e année. Ma question, c'est quoi la stratégie de la révolte syrienne aujourd'hui, bas en Syrie, ici, à l'accident? Bon, Taha, il dit que pour lui, c'est un combat politique, en fait, ici, plutôt en France. في شيء نحن من بداية الثورة السورية كان في شيء هو ناقص اللي هو الحامل السياسي لهي الثورة اليوم المرحلة اختلفت صرنا بحاجة فعلا لحامل سياسي هو اللي يتابع هذا الحراك اللي موجود داخل يعني نحن اليوم فعلا بحاجة لممثل سياسي اللي هو لحد الآن نحن ما عم نقدر نخلقه. Nous, ce qui nous a manqué en fait pendant les années de la révolution, c'est une espèce de porteur, un organisme, un organe qui peut porter en fait la révolution syrienne et on est toujours en fait, on a toujours oui, politique dans ce projet par exemple moi je suis pas forcément d'accord je sais pas un représentant important, je sais pas à quel point personnellement par exemple je suis d'accord avec Taha par rapport à cette idée mais pour en fait qu'est-ce qu'on peut c'est quoi la stratégie en France Je crois qu'il y a, enfin, je sais pas, deux types de choses qu'on peut faire. En fait, c'est pas forcément d'oublier là-bas, mais essayer d'agir à partir de sa propre position. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est des exilés syriens en France. Déjà, la moindre chose qu'on peut faire, c'est de temps en temps, peut-être parler de la révolution. De parler de la révolution, pas dans le sens de voilà, l'histoire, les récits, les expériences, mais en fait, plutôt dans une perspective de partage des outils, partage des expériences, tirer des apprentissages. Mais aussi, en fait, en même temps, s'inscrire dans les luttes ici. Enfin, carrément, enfin, de ramener l'expérience qu'on a eue, pas juste pour qu'on soit utile en France, en fait, mais aussi pour apprendre, enfin, je sais pas, autre chose. Après, une stratégie de long terme, هلا بس حاب ضيف شيء على موضوع انه بالوقت الحالي او شيء استراتيجي لبعدين بنكون عم نكذب على حالنا اذا قلنا اليوم السوريين هن بحاله سليمه لانهم قادرين يكونوا او بالوقت الحالي انهم يعملوا شيء. انا عم بحكي عن السوريين اللي خارج سوريا اليوم. لسه بين قوسين الحرب موجوده بسوريا، في ناس لحد الان عم بتموت. صعب كتير انه اليوم نفكر كاشخاص بشكل مفرد انه نحن اليوم نشتغل شيء على بالوقت الحالي باستثناء البناء الشخصي لكل حدا، بكل شخص بذاته. هذا اللي اليوم انا عم شوفه عند اغلب السوريين. اليوم نحن بحاجه فعلا لنبني حالنا لحتى نكون قادرين على شيء بالمدى الطويل. يعني il dit juste que moi, enfin déjà, il faut se rappeler que pour la plupart des personnes qui sont exilées, qui sont en France, qu'ils ont vécu des expériences de guerre assez atroces et qu'ils ont besoin de se reconstruire, de se, enfin pas oublier, mais enfin de pouvoir avoir une vie plus ou moins normale en France, et que ça prend du temps. Et lui, il dit que de ce qu'il voit autour de lui, ça c'est quand même une condition, une étape assez nécessaire pour pouvoir penser, parler un peu long terme, ou même d'ordre des stratégies, etc. Mais il y a un travail de presque de thérapie, quoi, enfin de reconstruction à faire. En fait, concernant la vie politique en Syrie, malheureusement, on n'avait pas. Malheureusement. Et c'est ça, en fait, à mon avis, c'est ça aussi la grande différence entre la France et la Syrie. Parce qu'avant ça, il y avait un peu de partis qui étaient sous le nom de Jabhat al-Watani al-Taqaddumiya. Vous connaissez le Front national progressiste. Et ça, c'est vraiment, c'est le régime, c'est une façade, mais c'est vraiment, si on voit le discours de ces partis-là, c'est le discours du parti basse. Donc on n'avait pas une vie politique. Et une fois qu'il y avait la révolution, il y avait la violence extrême. Comment on veut produire quelque chose de sain, comme tous les pays? Ça, c'est une grande différence. C'est pour ça, je me permets un petit peu de dire qu'un régime en France, c'est un peu... Pour moi, c'est régime français, je trouve bizarre, franchement. Je me permets de le dire. Désolée. Et en fait, oui, ça, c'est ce point-là. Concernant en Syrie, cette responsabilité pour la Syrie, à mon avis, comme tu dis exactement, il ne faut pas laisser à côté. Nous, on est à dehors. Il y a cette politique de division, elle est réalisée réalisée, en fait. Parce qu'il y a les gens de l'extérieur et de l'intérieur. Ça, c'est moi, personnellement, j'accepte pas. J'essaie de trouver une manière d'être là-bas, même si je suis là, à travers mes parents, mes amis, recréer quelque chose. On a besoin d'un nouveau élan, de nouvelles révolutions maintenant. Oui, beaucoup peut-être, pas seulement une seule. On a besoin de beaucoup parce que maintenant c'est beaucoup plus compliqué. De nouveau la dictature, de nouveau, en plus l'occupation et de manque terrible de ressources dans tous les niveaux. Donc on a oui exactement, c'est ça. Vraiment, on a besoin d'être là-bas. Et en même temps, la reconstruction personnelle et on a des défis ici. On a beaucoup de défis. Il faut les surmonter. Donc oui. Merci beaucoup. Du coup, j'ai pas forcément une question, mais j'ai deux remarques, si je m'en permette. une remarque positive et négative sur la discussion. Du coup, la première, c'est, je trouve très important la base de discussion et la question centrale en se demandant c'était quoi vraiment l'expérience de l'autonomie avec la révolution syrienne et au début de la révolution qui est complètement perdue dans l'histoire de la révolution en Syrie. Pourquoi c'est important ? Parce que la Syrie, c'est un exemple aujourd'hui très fort dans la région en tant que Kurde iranien qui suit depuis 5 ans au moins l'histoire de Syrie. Je crois que c'est la question, c'est la remarque le plus important qu'on entend dans différents pays du Moyen-Orient, même en Turquie aujourd'hui. Ben, je veux dire que c'est vraiment populaire aujourd'hui. Du coup, c'est très important de revenir sur la question de révolution, mais autrement, avec les expériences qui ont été cachées, avec le fait de réactionnisme, le fait je peux dire, les médias, le cadre de l'État-nation, les intérêts de différents pays, tout ça. Du coup, je vous remercie vraiment pour cette soirée assez chouette. Mais je crois qu'il manque quelque chose dans la soirée, dans la discussion au moins. Et pour moi, c'est la question du nationalisme. Du coup, c'est lié de différentes expériences de révolution ou de révoltes dans différents pays. À mon avis, si on parle de la question, je ne suis pas syrien, mais je crois que j'ai suivi quand même la question. Du coup, même avec l'expérience de l'autonomie en Syrie, la question de nationalisme, c'était hyper important. Mais si on fait la comparaison avec le mouvement de Gilets jaunes aujourd'hui en France, c'est une question très centrale, à mon avis, encore même ici maintenant. Du coup, il faut en parler. Il faut pas. Moi, j'attendais ça ce soir. En tant que Syrien, il faut avoir l'autocritique sur ce qui s'est passé avec différents mouvements politiques, différents petits, en échelle micro, macro, en Syrie. Je me rappelle, en 2014, j'ai lu la déclaration du Parti communiste syrien sur le site de ce parti politique, mais je veux dire, qui était vraiment une erreur totale sur les Kurdes, les Syriens, les minorités religieuses, tout ça. Du coup, il faut en parler. Il ne faut pas y avoir peur de revenir sur cette question parce que c'est toujours central. Là, vous avez parlé sur l'expérience d'autonomie dans différentes villes, mais c'est très lié aux questions de nationalisme parce que même, par exemple, 63 groupes qui étaient parmi le groupe central de Syrie libre, les plupart, je peux dire plus de 5 ans, c'est vraiment les groupes hyper-nationalistes. Du coup, on ne peut pas l'ignorer, cette question est hyper importante. Déjà pour militarisation, pour l'intervention, pour la division et le sectarisme, encore, c'est le nationalisme, c'est la question centrale. Les mots, le mot de Vatani, les différents partis politiques, c'est encore la même question. Du coup, je pense qu'il manquait un peu de parler cette question. Merci beaucoup. هلا موضوع الهروب من الأخطاء يعني قد يكون عم نوقع بهذا الموضوع. هلا المشكلة الأساسية بسوريا هي بعد الأشهر الأولى اللي هي كانت الأشهر اللي كان فيها فعلا إبداع، أو خلينا نحكي 2011-2012 هي كان في فعلا إبداع وفي حالة خلق لحالة سورية قد تكون وطنية. Oui, peut-être il faut adresser la question de essayer de éviter de faire face à nos propres échecs, à nos propres points faibles. Et du coup, en fait, au début de la révolution, on peut dire qu'il y avait des vraies tendances ou mouvements à essayer de créer, enfin, de créativité en termes de structures nouvelles, etc. Mais وصلنا لمرحلة صارت يعني انتقلنا من مرحلة انه نحن بلشنا انه عم نعمل شيء بديل عن نظام الأسد لمرحلة فقط انه نحن نلم الجثث من الأراضي، كيف ممكن أمن إغاثة المناطق اللي محاصرة، كيف ممكن أنا بساعدها. انتقل التفكير تماما لأنه أنا كيف ممكن أنقذ حياة الناس بس. فهذا عمل شيء انه نحن يعني صار بينما بالسنتين الأولى نحن كنا فعل، فيما بعد صرنا ردة فعل على العنف اللي كان عم يمارسه النظام. فما كان في مجال لخلق شيء فعليا وطني او شيء جديد فما كان في مجال لخلق شيء نموذج هو فعلا يكون حاله سليمه ضمن سوريا، فلانه كانت هي عباره عن رده فعل بس على الجرائم اللي كان عم تمارس على الشعب السوري. Et du coup, très vite, en fait, la tentative justement de créer, d'expérimenter, en fait, de penser à une alternative ou de créer un nouvel mode d'existence, d'organisation, a été coupée justement par une espèce de, il faut plutôt ramasser les corps, quoi, ramasser les morts. Et donc, du coup, ça, c'était un frein assez important à et il y avait vraiment un arrêt d'essayer de voir un peu plus loin d'où on était. Et du coup, l'action ou l'initiative s'est transformée en une espèce de réaction et en une espèce de tentative de survie. يعني الحالة المدنية اللي خلقت الشارع السوري بكل أطيافه بال 2011-2012 هي تواجهت يعني بعد نهاية 2012 صار عم تحارب النظام، عم تحارب الكتائب الإسلامية، عم تحارب داعش فيما بعد بال 2013، عم تحارب اليوم هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، الأكراد والشباب الأكراد اللي كانوا عم يخلقوا حالات مدنية صار كمان أغلبهم موجود بالخارج اليوم، لأنه كمان صار تضييق على العمل المدني ضمن المناطق اللي سيطرت عليها البيادية وكل. فاليوم كل الجيل الأول اللي هو إذا بدنا نقول جيل 2011 و2012 هو يا أما موجود بالخارج يا أما معتقل بسجون هاي الكتائب والنظام يا أما مستشهد. Et du coup, en fait, étant donné que, avec l'intensification de la violence et la préoccupation des révolutionnaires par plutôt l'activité militaire, et si on peut parler de la première génération de la révolution, les gens, en fait, qu'ils étaient vraiment dans des dynamiques nouvelles, ils sont soit à l'extérieur, soit détenus ou morts. Bon, enfin, peut-être pour essayer de répondre un peu plus directement, je dirais que, en fait, le patriotisme, enfin, parce que on l'exprime ainsi, en fait, on l'exprime pas en termes de nationalisme. Nationalisme, c'est quand même un mot, je dirais, un peu péjoratif, parce que quand même dans notre programme scolaire, on a littéralement un sujet qui s'appelle nationalisme, où on apprend par cœur les paroles de Hafez al-Assad. Donc du coup, nationalisme en tant que tel, en arabe syrien, c'est pas très... Voilà. Après, patriotisme, qui s'exprime, oui, justement, dans une posture nationaliste, ça existe très pleinement. Enfin, voilà, c'est une source de fierté, comme c'est le cas avec les valeurs, en France, parfois même les valeurs républicaines, etc. C'est quelque chose qui est très ancré, qui est là. Après... Enfin, pour dire pourquoi nous, en tant que Syriens, on ne pouvait pas justement décentrer le regard et essayer de voir ailleurs ou d'essayer un peu de sortir de notre propre monde, il y a quelques raisons. Après, est-ce que c'est des raisons que je peux énumérer, comme par exemple, il n'y avait pas beaucoup des gens qui voyageaient, tout simplement, en fait, en Syrie. Enfin, on voyait pas. Ou les gens qui voyageaient, c'était plutôt aller parce que on avait des bourses de l'URSS, donc du coup, on allait plutôt, faire des études en Russie. On peut imaginer l'espèce de indoctrination idéologique qui sort de ça. Et aussi, en fait, qu'en tant que pays, le pays était vraiment enfermé, quoi. En termes de médias, en termes de communication avec l'extérieur. Tout ça ne justifie justement pas que dans les consciences, même s'il n'y avait pas énormément de conscience ou de pratique politique, ça ne justifie pas, en fait, que on n'a pas essayé de regarder ailleurs et de, justement, déjouer cette appartenance abstrait qui est la nation, être syrien. Et après, en fait, d'une manière paradoxale, dans le fait après la révolution, en fait, ce qui jouait, en fait, sur ce plan de nationalisme, c'était justement une espèce de redéfinition, en fait. Donc du coup, être syrien, c'était aussi une manière de faire face au régime. Ce qui, justement, n'aide pas du tout à, encore une fois, essayer de pas se baser sur cette appartenance régionale ou nationale. Absolument d'accord avec toi que ça, c'est une énorme manque. Et après, enfin, je sais pas, j'ai pas forcément énormément de solutions là-dessus, mais c'est vrai que, par exemple, si on pense à la situation de Gilets jaunes, là, je peux avoir un peu plus de propositions par rapport à des stratégies pour déjouer la centralité du nationalisme, alors qu'en Syrie, ça serait, enfin, pour moi, enfin, personnellement, ça serait beaucoup plus difficile de penser à certains mécanismes ou à certains outils pour contrecarrer ça. Après, enfin, je crois qu'il y a vraiment besoin d'un contact, quoi, avec, et c'est en train de se passer, je crois, avec le diaspora. Ça, c'est au moins, je crois, quelque chose qui est en train de changer, au moins avec les gens qui sont à l'extérieur, qui commencent à rencontrer des militants, enfin, en fait, juste de se mélanger, quoi, avec d'autres personnes qu'on n'a jamais l'habitude de voir, de communiquer, d'en parler, voilà. En fait, à mon avis, ça a besoin du calme. Cette question-là de nationalisme et tout ça, ça a besoin vraiment d'une ambiance d'un peu de paix, de calme pour l'autocritique profonde et efficace, vraiment, à mon avis. Mais au niveau tout de l'autocritique, du travail révolutionnaire, tout ce qui s'est passé, dans chaque étape, il faut être, oui, il faut qu'on fait quelque chose dès maintenant et très très vite. Même on est en retard, à mon avis. On est en retard pour critiquer ça. Mais oui, on a besoin vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour tout ça. Juste pour préciser deux choses avant de passer la parole à Faïma, que. Bon, on a parlé brièvement du Rojava, on a parlé justement du nationalisme, de ces choses-là. On aimerait continuer, dans le cadre du Club des Gilets jaunes ou dans d'autres cadres, à discuter justement d'expériences qui se sont passées hors de France, donc des Kurdes, de Chiapas, plein d'autres situations. Donc on va essayer de le prolonger dans les mois à venir et peut-être dans les années à venir. Et à ce sujet, donc je vais juste passer la parole pour terminer à Faïma, qui va nous dire pourquoi, mais qui juste va retourner en Algérie la semaine prochaine. Et donc c'est pour ça qu'on aimerait en dire deux mots. Ouais. Moi, je vais juste démarrer pour rester dans la continuité du sujet. J'ai entendu au début de l'exposé parler de 2011 et du début de ce qu'on appelle la révolution arabe, et moi je dirais la révolution du Moyen-Orient plutôt, et du Maghreb. Il ne faut pas oublier qu'en Algérie, en décembre 2010, de Babeloued, c'était parti aussi, le mouvement, presque en simultané avec la Tunisie, à la différence que Bouteflika à l'époque, il avait calmé tout le monde en baissant les prix et en répondant à quelques revendications. On n'oublie pas que les jeunes de Babeloued, qui sont issus des quartiers populaires, comme ici, il y a la fracture sociale, elle est la même, à la différence qu'il n'y a pas de fracture culturelle. Donc il y a eu ça. Et aujourd'hui, on va dire 8 ans après, c'est la continuité. Ce qui se passe en Algérie, ça ne sort pas de n'importe où. C'est pas, même si aller dans la rue, ça a été spontané, les luttes, elles sortent toujours de quelque part et elles viennent toujours de quelque part. Même ce qui se passe en Syrie, depuis que c'est plutôt du qui se passe, c'est dramatique. Bon, il n'y a pas de mots. Mais voilà, donc ça ne sort pas de nulle part. Donc aujourd'hui, le peuple, il a franchi le seuil de la peur. Et il est dehors. Ces dernières années, il y a eu des luttes comme la lutte contre le chômage, il y a eu la répression, il y a eu la lutte des gaziers, il y a eu des ouvriers. Donc voilà, c'est la troisième génération après la révolution algérienne anticoloniale qui reprend les choses en main. Parce que souvent, quand il y a une révolution, la contre-révolution, elle est devant la porte. elle nous a été confixée par Babou Medium, il avait ouvert un boulevard qui a été pris et sans qu'on puisse y revenir dessus jusqu'à maintenant, mais la résistance, elle a été là. Donc maintenant, aujourd'hui, voilà, Bouteflika, il a pas reculé, il a juste prolongé son quatrième mandat. Donc le problème, c'est que le peuple n'est pas dupe, il n'a jamais été dupe. C'est qu'il est toujours dans la rue. Donc à l'heure actuelle, depuis dimanche, il y a la grève générale et elle s'est amplifiée. Ça veut dire que l'annonce, elle ne passe pas. Elle ne passe pas. On sait très bien qu'au lendemain du 8 avril, on va se retrouver avec sans constitution parce qu'il n'y a rien de prévu dans la constitution algérienne pour, je veux dire, pour un... Entre deux constitutions, je n'ai pas le mot, il est tard. La transition, voilà, c'est un vide. Alors quand on voit que lundi, à 17h, on a le Premier ministre qui démissionne, et à 17h30, c'est le ministre de l'Intérieur qui est Premier ministre, sachant qu'il a un contentieux, et c'est comme si on met Castaneuf, je ne sais pas comment il s'appelle, hein. Premier ministre, c'est à peu près pareil, quoi. C'est les mêmes profils et le même type de personnes. Donc voilà, quoi. On remet 100 balles dans la machine et ça repart. Donc il y a les jeunes. Il faut savoir que les profs, lundi, ils ont fait une déclaration. Ils se sont mis en grève tant qu'ils comprennent pas qu'il faut qu'ils dégagent, voilà, qu'ils prolongent pas le mandat. Et c'est pas rien. Ils reprennent pas les cours, voilà. Donc tout ça, il y a. Donc moi, je vais rentrer, Inch'Allah, mardi, on va voir là. Et donc moi, on va dire que j'ai double résidence. Je vis entre ici et là-bas. Le seul mois où je suis pas rentrée, c'est quand ça s'est passé. Donc voilà. Mais quand même, on m'a appelé, on m'a dit, oh, tu nous as tellement saoulé, tu nous as fatigué. Et là, quand ça arrive, t'es pas là-bas. Donc voilà. Donc on sentait bien ces derniers temps qu'il allait y avoir quelque chose. Moi, j'ai pour vous dire que d'habitude, quand je reviens, c'est difficile. Mais la dernière fois, au mois de janvier, je suis revenue en courant tellement j'étais fatiguée là-bas, la tension qu'il y avait, qu'on sentait, quoi. Comme on sent souvent quand ça arrive. Hein. Nos camarades syriens en 2012, quand on les a reçus, les premiers qui étaient arrivés, ils le disaient aussi. Ouais, il y a des tensions qui se sentent juste avant. Et voilà, donc je vais y tourner. Donc je vais y retourner, je vais faire le tour des luttes. Je vais bien sûr participer. Il y a des comités locaux avec des assemblées qui se font, qui refusent même que l'extrême gauche. Hein, l'extrême gauche, le PST, ils ont fait une déclaration rien que pour la manif, là. Qui doit avoir lieu, rendez-vous au carré, et tout, ils se sont fait allumer, quoi. Sur les réseaux, ils se sont fait allumer en disant non, mais même vous, pourtant, c'est les plus proches du peuple au niveau de la programmation, quoi. Hein. Même s'il y a des choses à dire, mais on va dire ce qui est. Mais ils se sont fait allumer parce que les gens, ils ne veulent pas entendre parler ni d'opposition, ni de contre-opposition. Ils veulent vraiment, s'il y a vraiment une volonté de prendre son destin en main et de récupérer le politique qui nous appartient, en fait. Voilà. Donc, il y a une volonté qui est dessus. Après, on verra sur le terrain ce que ça donne. Donc, il y a beaucoup de lycées qui sont en grève, il y a les universités, il y a le secteur, comment dire, il y a les syndicats, il y a un syndicat unique, hein, mais on va dire, il y a les salariés et tout ça, donc on va voir, on va dire juste que tout le monde est dehors et qu'on ne va pas rentrer de sitôt et qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on est parti gagnant et qu'on va gagner. Vive la révolution!